Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. Nous sommes le mercredi 1er décembre 2021. Nous sommes bien sûr en direct comme tous les jours. C'est Chris. Vous êtes dans Fréquence Libre. C'est votre émission Fréquence Libre. Il est un peu plus de 14h. Il est 14h01 même. Et aujourd'hui, c'est une édition de Fréquence Libre un peu particulière car je suis en compagnie de moi-même. Voilà. En effet, aujourd'hui, j'ai envie de partager un petit moment avec vous, entre vous et moi, on va dire, en vous partageant quelques infos locales et en écoutant de la bonne musique. Alors, comment cette petite émission, qui va peut-être durer un peu moins d'une heure, cette fois-ci va se dérouler? C'est très simple. Au préalable, il y a quelques jours, j'ai fait plusieurs enregistrements avec plusieurs organismes, plusieurs intervenants d'organismes, qui nous ont parlé pendant quelques minutes, dans le cadre de ce qu'on appelle ici à Radio Gémozo un billet de sortie, qui nous ont parlé des différents événements que leur organisme prépare, réserve à l'avenir. Donc, du coup, voilà, et nous allons écouter un peu de musique, évidemment, parce qu'ici à Radio Gémozo, on aime la musique. Et c'est des morceaux de musique, justement, que j'ai choisi, car vous le savez certainement, dans mon émission Fréquence Libre, du lundi au jeudi, de 14h à 15h, en direct, évidemment. Habituellement, je demande à mes invités de choisir les trois pauses musicales à passer pendant l'émission. Mais du coup, vu que je suis tout seul aujourd'hui, eh bien, c'est moi qui ai choisi les pauses musicales, donc je me suis demandé à moi-même les différentes pauses musicales, voilà. Et donc il y en aura un peu plus de trois, histoire de bien faire bouger, de s'hydrater, de respirer, de reprendre son souffle, parce que on commence seulement l'émission et je suis déjà essoufflé, voilà. Et donc je vous propose de ne pas perdre de temps et qu'on écoute tout de suite un premier billet de sortie, un premier enregistrement que j'ai fait il y a quelques jours avec Bernard Schmitt du collectif O88 qui était là pour nous parler d'un ciné-débat concernant un film documentaire qui a été diffusé sur Arte dernièrement. Donc voilà, nous écoutons cette première info locale avec Bernard Schmitt et du coup, on se donne rendez-vous déjà juste après, d'ici à peu près 5 minutes, plus ou moins. Donc à tout de suite sur Radio Gémozo après cette petite première info locale. Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107 FM. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour un petit enregistrement de quelques minutes dans lequel je reçois Bernard Schmitt du collectif O88 qui est là pour nous parler d'un ciné-débat qui a lieu justement aujourd'hui, donc le 1er décembre. Donc bonjour Bernard. Bonjour. Comment ça va? Eh bien, ça va très bien. Donc, du coup, justement, vous organisez du coup un ciné-débat concernant le film de la chaîne Arte intitulé « À sec, la grande soif des multinationales ». Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Où est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qu'on pourra y apprendre, etc., etc. Oui, donc ce film est passé sur Arte au mois d'octobre. D'accord. C'était le 19 octobre, je crois. Et Arte nous a laissé une copie libre de droit qui nous permet d'organiser des projections débat dans différentes villes de France. Donc le 1er décembre, c'est à Golbey. Nous serons à Lille, à l'Assemblée nationale aussi dans quelques jours, le 8 décembre. Et donc à Golbey, nous rediffusons ce film en présence des concepteurs du film, en particulier deux journalistes qui l'ont réalisé, c'est Robert Schmitt, c'est un homonyme, et c'est Alexander Abdelila. Il y aura bien sûr présent aussi la présidente de la commission d'enquête parlementaire qui était venue à Vittel et à Volvic, Mathilde Panot en l'occurrence, et puis seront présents des gens de Volvic qui s'opposent à Danone, et puis des gens de Lunebourg en Allemagne qui s'opposent à Coca-Cola, toujours pour la même raison, c'est la préservation de la ressource naturelle qu'est l'eau. Et donc l'idée est de débattre autour de ce sujet, donc dans les trois villes qui sont les plus concernées aujourd'hui, Volvic avec Danone, Vittel avec Nestlé et Lunebourg avec Coca-Cola. D'accord. Donc du coup, il y aura la projection de ce film et le débat aura lieu après ce film? Alors la projection a lieu à 19h30. D'accord. À Golbey, 2 rue Jean Bossu, c'est le centre culturel de Golbey. Mm-hmm. On démarre assez tôt parce que les soirées sont fraîches et parfois glissantes dans notre région. Bien sûr. Et juste après le film, qui dure 55 minutes, on aura un petit débat très spontané. Ce qu'on veut surtout, c'est poser des questions au concepteur du film et à la députée qui a signé un rapport sur ces sujets qui a été voté à l'unanimité des groupes parlementaires, c'est à noter, tous partis politiques confondus, et permettre aux citoyens de s'exprimer, peut-être d'en savoir un peu plus. D'accord. Donc on peut rappeler du coup les modalités. Donc c'est le 1er décembre, donc c'est mercredi, à 19h30 au centre culturel de Golbey, 2 rue Jean Bossu, Golbey, du coup à Golbey. Exactement. C'est exactement ça. Est-ce que du coup, entrée payante, entrée gratuite? C'est une entrée gratuite, mais vous imaginez bien que devant réserver une salle, c'est quelques centaines d'euros. Les journalistes aussi, il faudra les héberger, payer leur voyage. Donc on compte sur la contribution des gens pour nous permettre de rentrer dans nos frais. Voilà, d'accord. Très clairement. Donc c'est les gens qui viendront pourront faire des dons financiers. C'est exactement ça, oui, à hauteur de ce qu'ils peuvent, ceux qui ne peuvent pas, mais ils viennent quand même. Bien sûr. L'essentiel est d'avoir du public. D'accord, donc du coup, c'est au centre culturel de Golbey, j'imagine, avec la crise sanitaire, dont on ne citera pas le nom, qu'il faut être titulaire d'un pass sanitaire ou d'un test valide. Alors, vous savez qu'il y a une décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2021, d'accord, qui dit que les manifestations à caractère politique, syndical ou culturel ne nécessitent pas de passe sanitaire. Donc je pense que les gens viendront et on fera très attention aux gestes barrières, aux masques, etc. Ceux qui voudront faire un test en amont pourront le faire, etc. D'accord. Donc, projection débat le 1er décembre à 19h30 au Centre culturel de Golbey, en présence des journalistes auteurs du film, de la députée Mathilde Panot et des défenseurs de l'eau de Volvic et Vittel. Donc, ça se passe à Golbey, 2 rue Jean Bossu. C'est exactement ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, bon, c'est parfait comme ça. Ok, parfait. On compte sur beaucoup de monde, surtout. Bien sûr, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc voilà, donc je vous remercie, Monsieur Schmitt, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de tout ça. C'est moi qui vous remercie, bien sûr. Et voilà pour le petit enregistrement avec Bernard Schmitt du collectif O88, qui était là du coup pour nous parler du ciné-débat qui a lieu ce samedi, il me semble, concernant le film de Arte, qui a été diffusé du coup en octobre. Donc voilà, je rappelle, si jamais vous avez raté quelques infos, du coup, passe sanitaire et test valide, pas forcément obligatoire, vu que c'est un débat à but politique, mais rien ne vous empêche de vous informer, de vous renseigner au préalable, évidemment. Entrée gratuite, mais bien sûr, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs qui m'écoutent actuellement souhaitent se rendre à ce ciné-débat, vous pourrez bien sûr faire des dons d'ordre financier pour aider du coup ce collectif, car comme Monsieur Schmitt l'a dit pendant cet enregistrement, il faut bien sûr réserver la salle, il faut payer les journalistes qui viendront, etc., etc., ce qui est tout à fait normal. Donc du coup voilà, vous pourrez faire vos petits dons, voilà, même pas peut-être 1 euro ou 2, voilà, tout don sera bon à prendre. Donc voilà, c'était le petit enregistrement avec Bernard Schmitt du collectif O88 Ciné-Débat. D'ailleurs, si vous aussi, pourquoi pas, vous souhaitez faire comme toutes les intervenantes, et tous les intervenants qui vont passer pendant cette émission, si vous voulez également annoncer un événement que vous organisez, ou que vous connaissez un organisme, ou quelqu'un qui organise un événement, envoyez-nous un petit mail à l'adresse l'IA, donc l'adresse de l'IA, donc que vous connaissez, qui est notre responsable des programmes, responsable d'antenne et qui est animatrice également ici avec l'odeur du son tous les lundis. Donc l'IA, lya@radiogemozo.eu, et aussi sur la mienne, parce que c'est toujours bon d'avoir, on va dire, une copie si jamais un mail se perd, ce qui arrive malheureusement fréquemment. Donc à mon adresse mail, donc c'est pareil, sauf qu'à la place de l'IA, vous mettez Chris, CHRIS, avec toutes les informations nécessaires, et nous, on en discutera, et pourquoi pas faire un petit enregistrement pareil de quelques minutes, c'est pas bien long, 5 minutes, pour parler de tout ça, si jamais ça peut vous donner un petit coup de pouce, ou si ça peut attirer des personnes, ça peut être vraiment dans tous les domaines ici, un ciné-débat. Un peu plus tard, nous écouterons par exemple un calendrier de l'Avent, ou alors un enregistrement avec le Théâtre du Peuple, etc., etc. Vraiment tous les domaines. Donc voilà, avant de nous lancer dans une première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième info locale. Et cette fois-ci, vous allez entendre Alexia de ASPA Vosges. ASPA, donc qu'est-ce que l'ASPA? Donc c'est l'Association pour la Protection des Animaux. Ça se situe à Belmont-sur-Vair. Voilà, c'est tout simplement, c'est une association de protection animale. Donc elle va nous parler de la campagne d'adhésion 2022. Donc on s'écoute ce petit morceau et après on s'écoutera du coup la première fréquence musicale que je vous ai réservée. Donc on écoute Alexia qui nous parle de la campagne d'adhésion 2022 de l'ASPA Vosges et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Et aujourd'hui je reçois par téléphone pour un petit billet de sortie pendant quelques minutes Alexia, secrétaire de l'ASPA Vosges, qui est là pour nous parler de la campagne d'adhésion 2022 du côté de l'ASPA. Donc bonjour Alexia. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Parfait. Donc du coup, vous êtes ici avec nous pendant quelques minutes pour nous parler de la campagne d'adhésion 2022 de l'ASPA Vosges. Oui, effectivement, on a lancé une campagne d'adhésion comme on le fait chaque année pour nos adhérents et les nouveaux adhérents qui veulent venir rejoindre notre association. Notre association, en deux mots, hein, c'est une association de protection animale qui vient, voilà, on fait des campagnes de stérilisation pour éviter la prolifération des chats errants. On effectue des enquêtes de maltraitance, surtout, voilà, on en a eu énormément en 2021, cette année on a dépassé la centaine. Ah oui. Oui, là cette année c'était très important. Voilà, on fait toutes sortes de choses, on fait des opérations caddie, voilà, pour subvenir, pour nourrir, pardon, les chats errants qui sont stérilisés lors de nos campagnes de stérilisation, voilà. D'accord. Principalement. D'accord. Donc du coup la campagne d'adhésion, donc du coup pour les nouveaux adhérents ou les adhérents qui veulent réitérer du coup leur adhésion, combien coûte l'adhésion ? Alors, l'adhésion elle est de minimum 10 euros, donc c'est une adhésion annuelle. Vous pouvez soit voilà régler 10 euros, soit vous pouvez donner plus, vous pouvez faire un prélèvement, enfin un virement plutôt annuel ou mensuel, voilà, c'est selon vos souhaits. Suite à cette adhésion, vous pouvez recevoir un reçu fiscal qui vous permet de déduire des impôts, ce qui est important aussi pour certains. Bien sûr. Et puis, voilà, après, nous, on vous rentre dans notre base de données, donc on rentre votre adresse mail, et puis vous recevez nos diverses actions voilà, que l'on fait tout au long de l'année. Donc au fur et à mesure, on essaye de faire des mailings tous les trimestres. Et voilà, je crois qu'il y a un petit problème d'enregistrement. Donc, je vais résumer. Donc, la campagne ASPA Vosges, la campagne d'adhésion 2022 de l'ASPA Vosges. En fait, c'est tout simplement, comme je le disais, et comme Alexia l'a répété pendant cet enregistrement, c'est une association de protection animale qui agit pour limiter la prolifération des chats errants. C'est vraiment, c'est utile pour les animaux et également là, pour vous. Aussi, c'est pratique car si vous faites, comme elle dit, la campagne d'adhésion, minimum 10 euros, mais vous pouvez donner plus. Mais bien sûr, vous recevez un reçu fiscal à la fin de l'année, je crois, qui permet du coup de déduire vos dons de votre feuille d'impôt. Voilà, si j'ai tout bien compris. Donc, ça se situe, donc l'ASPA Vosges, on va rappeler un peu les coordonnées. Donc, l'ASPA Vosges, donc l'association pour la protection des animaux à Belmont-sur-Vair, se trouve au 131, pardon, rue du Château, 88 800 Belmont-sur-Vair. Et je vais vous donner également le numéro de téléphone. Donc, c'est le 03 29 08 90 63. Je répète, 03 29 08 90 63. Voilà pour si vous souhaitez pardon obtenir de plus amples informations ou si vous avez des questions à leur poser, bah vous pouvez contacter ce numéro et je crois qu'ils ont également une page Facebook et un site internet. D'ailleurs, je vais vous donner également le lien du site internet. Donc c'est www.aspa-vosges.com. Tout simplement, vous pouvez vous rendre là-dessus et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, ils ont eu des plutôt bons avis et ça protège du coup les animaux. Donc, en faisant des dons, non seulement vous avez un reçu fiscal déduisible des impôts, déductible, je devrais dire, des impôts, et en plus, bah, du coup, vous faites une bonne action car vous protégez les animaux. Voilà, donc c'est l'ASPA Vosges, ASPA, et plus loin, Vosges. Donc, avant du coup de poursuivre, parce que nous sommes déjà 15 minutes d'émission, je vous propose d'écouter Trey DJT avec leur titre Time Time. Alors, les petites références, peut-être que le nom comme ça ne vous dit rien, mais quand je vais vous parler des références, vous allez dire, ah bah oui, forcément. Donc, c'est une chanson en roumain, voilà, c'est une chanson sortie en 2021, elle a bientôt 17 millions de vues sur YouTube, et les Trey DJT, qui veut dire trois doigts en roumain, est composé de l'influenceur Squeezie, de Chrono Music et de Mid. Squeezie, c'est plus de 16 millions d'abonnés sur YouTube, ce qui en fait le premier YouTuber de France en termes d'abonnés. Mid est producteur et Chrono Music est artiste. Voilà, ce petit morceau, vous l'avez certainement déjà entendu, que ce soit sur Internet ou même à la télé ou sur certaines radios, c'est un morceau qui est top 1 sur Spotify France, top 1 sur Deezer France, et c'est même c'est un titre qui est même présent dans les charts en Roumanie. Enfin voilà, à la base, c'était un délire sur une vidéo YouTube, donc c'est un son très typé années 2000. Bien sûr, vous allez reconnaître peut-être des influences du célèbre groupe Ozone dans les années 2000. Et voilà, c'est un délire qui a pris d'énormes proportions. Donc du coup, on écoute ce morceau, donc Time de Trey Degette. Et du coup, bah, on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes 30. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Fericit ca mănânc un pepene, un pepene. Dansăm în time, time, dansăm în time, time. Așa că bye, bye, plecăm, suntem gata să călătorim. În time, time, dansăm în time, time. Așa că bye, bye, plecăm, suntem gata să călătorim. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Preistorie, antichitate, Egiptul antic, bestul sălbatic. Preistorie. Așa că bye bye, dansăm in time, time. Așa că bye, yo. Dansăm in time, time, dansăm in time, time. Așa că bye bye, plecăm, suntem gata să călătorim. In time, time, dansăm in time, time. Așa că bye bye, plecăm, suntem gata să călătorim. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Voilà pour le morceau Time Time de Trey Degette, comme je l'ai annoncé, donc morceau très typé année 2000, pourtant fait en 2021. C'était un petit défi que Squeezie et d'autres influenceurs, d'autres rappeurs, comme par exemple, vous pouvez y retrouver le youtubeur Maskey ou encore la chanteuse Toldia, etc., etc., dans ce petit défi. C'est un défi qu'ils ont décidé de se lancer pour une vidéo de près d'1h20 sur YouTube, et bien sûr, qui dit son typé année 2000, dit forcément petite pochette en carton dans laquelle vous pouvez retrouver le CD sur lequel est gravé du coup le son et la version instrumentale, comme c'était le cas du coup dans les années 2000. Voilà, avec Ozone et tout Laurie et tous ces autres artistes qui étaient très très présents dans les années 2000. Je ne vous cache pas, pendant ce morceau, je me suis un petit peu enjaillé. Voilà, on est là aussi pour s'amuser, pour écouter du bon son et pour s'enjailler, du coup. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lancer une nouvelle info locale et nous allons écouter Hélène de Parenté Boutique, du coup, à Remiremont, donc pas loin des locaux de la radio qui sont, eux, à Saint-Étienne-les-Remiremont, qui nous parle d'un calendrier de l'Avent qu'elle fabrique à la main. Donc du coup, on écoute Hélène qui nous parle de ce petit calendrier de l'Avent et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Donc à tout de suite. Aujourd'hui, dans ce petit billet de sortie, je reçois Hélène, gérante de Parenté Boutique, qui est là pour nous parler de commandes de calendrier de l'Avent. Donc bonjour Hélène. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ben Ça va bien, et vous? Ça va bien, merci. Oui. Donc, du coup, je vous ai présenté, mais vous êtes déjà venu il y a quelques temps avec, avec l'IA dans son émission. Mais du coup, cette fois-ci, c'est moi qui prends le flambeau. Du coup, vous organisez à Parenté Boutique, enfin, vous avez mis en place des commandes de calendrier de l'Avent. Oui, alors exactement. Donc du coup, en fait, c'est un calendrier de l'Avent que je fais moi-même, en fait. D'accord. Donc ça fait déjà maintenant quelques semaines que je suis dessus, en fait. Comme ça, il n'y a plus qu'à les remplir. Donc tout simplement, donc les gens peuvent venir à la boutique ou soit m'envoyer un mail ou sur Facebook, voilà, pour en commander un. Ou donc en fait, c'est une idée cadeau plutôt originale, gourmande et naturelle. Et surtout personnalisé, donc c'est-à-dire qu'en fait je demande aux gens ce qu'ils préfèrent, donc c'est-à-dire comme là j'ai fait un calendrier de l'Avent qu'avec du thé, enfin il y en a un autre que j'ai fait qu'avec de la tisane, infusion et rooibos parce que la dame n'aimait pas du tout le thé. Si quelqu'un n'aime pas la cannelle, la coco, la saveur chocolat, je n'en mets pas. Enfin voilà, c'est vraiment personnalisé, donc soit pour soi ou soit à offrir, c'est une belle idée cadeau et enfin voilà, ça fait 4-5 ans que je le propose et du coup ça plaît toujours autant, donc voilà. Parfait. Et donc je crois savoir justement que il reste quand même assez peu de temps pour commander le calendrier de l'Avent spécial Parenté Boutique. Voilà, c'est ça. Bah oui, parce que du coup si les gens veulent vraiment respecter le calendrier de l'Avent, ils ont jusqu'à mercredi pour me demander. Sinon, bon, après, voilà, je sais que j'ai des clients qui me demandent quand même après la date butoir. Comme ça, ça fait un cadeau pour Noël. Donc ça, il n'y a pas de souci. J'en ai encore de toute façon à remplir. Donc même si la date est dépassée, c'est pas grave. Je ferai quand même les commandes. Bien sûr. Quel est le prix du calendrier de l'Avent? Alors du coup, donc il est à 28 euros, donc tout compris, voilà. Et du coup, ça permet aux gens de découvrir une saveur différente tous les jours. Donc il y a 24 pochettes qui contiennent une dosette prête à infuser. Donc c'est que du naturel et principalement du bio. Donc voilà, donc soit tisane, infusion fruitée, rooibos, thé vert, thé blanc ou thé noir, voilà. Au choix. Voilà, pour bien se réchauffer sous un plaid devant un film de Noël avec un thé. Donc du coup, on rappelle, du coup, c'est principalement bio. Oui, voilà. Donc c'est moi qui fais mes mélanges. Donc c'est principalement du bio. En tout cas, c'est 100% naturel. Enfin, il n'y a pas de colorant artificiel ni d'arôme artificiel. C'est vraiment les fruits, les feuilles, les plantes qui donnent vraiment, du coup, la saveur. Donc voilà, c'est que du naturel. Voilà. Et du coup, pour donner encore plus envie à nos auditrices et auditeurs, c'est un calendrier fait à la demande et, comme vous l'avez dit, personnalisé, 24 parfums différents selon les goûts des auditrices et des auditeurs, enfin des visiteurs. Parmi toutes vos références, une saveur différente à découvrir chaque jour jusqu'à Noël. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est 28 euros le calendrier de l'Avent. On peut le commander en ligne et on peut venir le chercher directement chez vous, au Parenté Boutique, ou alors est-ce que vous faites des envois par la poste, par exemple? Oui, tout à fait. J'en ai fait quelques-uns. Donc en fait, si la personne, donc soit me contacte par téléphone ou directement sur mon site internet, donc http://parentéboutique.semup.link, en fait, donc il trouvera dans la catégorie idées cadeaux, donc le calendrier. Et là, en fait, du coup, elle peut avoir le choix, donc soit en livraison à domicile par Colissimo ou soit par Mondial Relais, du coup. Voilà, tout simplement, c'est un joli cadeau, ou si vous voulez offrir, ou pourquoi pas vous faire plaisir à vous-même avec ces jolis parfums, selon les différents goûts, selon les différentes infusions, les différentes dosettes, je devrais le dire, matière naturelle est prête à être infusée. Voilà, exactement. Voilà. Bah, du coup, je vous remercie d'avoir pris quelques minutes, Hélène, pour nous parler de tout ça, et du coup, je vous souhaite une bonne continuation. Bah, c'est moi qui vous remercie, en tout cas, et puis belle journée à vous. Pareillement. Et voilà pour le petit enregistrement avec du coup Hélène de Parenté Boutique à Remiremont qui nous réserve un petit calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 1er décembre, donc nous sommes mercredi, si vous avez du temps libre aujourd'hui, rendez-vous à Parenté Boutique à Remiremont pour commander votre calendrier de l'Avent avec du coup des parfums de thé blanc, de rooibos, etc., etc., de saveur chocolat et tout ça pour se réchauffer, comme je le disais, sous un plaid devant un film de Noël, ou le soir, pourquoi pas, devant un film d'horreur, même si c'est plus trop la saison. Mais voilà, on sait jamais. Donc je cherche en direct avec vous l'adresse de Parenté Boutique, comme ça vous aurez juste à la noter ou à réécouter ce podcast quand je le publierai, donc du coup demain dans la journée. Donc vous pouvez retrouver le Parenté Boutique, donc c'est un magasin de thé bien sûr, au 44 rue de la Courtine, 88 200 Remiremont. Je rappelle l'adresse, 44 rue de la Courtine, 88 200 Remiremont, et également le numéro de téléphone, donc le 09 81 93 26 31. 09 81 93 26 31 si vous voulez commander du coup votre calendrier de l'Avent spécial thé. Voilà, 24 goûts différents pour passer des bonnes fêtes de Noël, enfin les bonnes préparations des fêtes de Noël. Ou alors elle a également un site internet ou une page Facebook, vous tapez Parenté Boutique, donc P A R E N T H E accent aigu comme le thé, du coup, pour avoir toutes les informations nécessaires. Voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est d'écouter, vu que nous sommes bien sûr dans le mois de Noël, le mois des fêtes. Voilà, nous sommes le 1er décembre. Donc je vous propose d'écouter une auteure, car comme vous le savez certainement, une fois par mois je reçois un auteur ou une auteure qui est là pour nous parler de son ouvrage, de son dernier ouvrage en date. Et puis là, ça va être un petit enregistrement de 5 minutes avec une auteure jeunesse qui sort un livre jeunesse, du coup, qui a sorti. Vous l'entendrez dans ce petit enregistrement, qui a sorti un livre jeunesse pour Noël. Donc si des parents ou des grands-parents qui nous écoutent veulent faire plaisir à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, ce livre de jeunesse est fait pour vous. Donc du coup, on s'écoute ce petit enregistrement. Donc l'auteur s'appelle Ornella. Et le livre jeunesse, vous entendrez le titre dans ce petit enregistrement. Donc je vous passe ceci, après on se fera dans une prochaine pause musicale. Hein, allez hop, c'est parti. Donc on écoute ce petit enregistrement et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107 FM. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour un petit billet de sortie de quelques minutes dans lequel je reçois par téléphone une auteure jeunesse, Ornella, qui a sorti un livre jeunesse pour Noël. Donc bonjour Ornella. Bonjour. Comment ça va? Oui, très bien. Parfaitement. Parfait. Donc comme je viens de l'annoncer, je crois savoir que vous avez sorti un livre jeunesse pour Noël. Tout à fait. Donc en fait, jusqu'à maintenant, je sortais des livres pour les 7-12 ans. Et je me suis dit que pour les 2-6 ans, ce serait bien qu'ils aient aussi leur petit livre. Donc je me suis occupée de ça le mois dernier. Et comme je suis auto-éditée, je fais tout toute seule. Donc, j'ai choisi mes images et j'ai pensé à une histoire de loutre, parce que j'adore les loutres. Et cette histoire, c'est la loutre qui prépare Noël avec sa famille. C'est un album tout en couleurs. Il y a une phrase par page. Ça, c'est réduit au niveau du contenu, mais c'est très gai, très joyeux, avec des images joyeuses. Et après, vous avez une deuxième partie où il y a un reportage photo pour apprendre tout sur la loutre. D'accord. Donc, ça a un côté, du coup, éducatif en même temps. Absolument. C'est ce que je voulais, oui. J'y tiens, oui. D'accord. Parce que les enfants sont curieux, ils posent des questions. Et du coup, ils auront les réponses à leurs questions à la fin du livre, en regardant les belles photos que j'ai mises. D'accord. Comme vous venez de le dire, c'est une histoire de loutre qui prépare Noël. Du coup, vu que c'est un livre jeunesse, j'imagine que le livre est assez court. En fait, il a quand même 27 pages. La moitié est consacrée à l'histoire de la loutre. À la fin, elle dit « Joyeux Noël !» Et à la fin, on lui présente la loutre en photo. Son mode de vie, son alimentation, ses mœurs. D'accord. 27 pages, donc pour un album, c'est pas mal quand même. Il y a c'est du vrai contenu, et il est déjà sur Amazon, il a eu un beau succès sur Amazon. Les gens qui l'ont lu avec leurs enfants m'ont dit qu'ils avaient envie de relire le livre. Donc c'est très positif pour moi. Bien sûr. Donc du coup, quel est le prix de ce petit livre jeunesse? Donc il est à 6 euros sur Amazon. Voilà, 6 euros sur Amazon. Est-ce qu'on peut le trouver peut-être dans certains magasins ou c'est exclusivement sur Internet? Alors, il sera sur Internet, mais il peut être aussi acheté sur la boutique que j'ai mise en place, sur mon site Internet aussi. Ou alors, directement sur Facebook, en m'écrivant un message privé, parce que les gens aiment bien recevoir chez eux un exemplaire dédicacé avec le marque-page que j'ai prévu pour ce livre. Tout à fait. Donc, du coup, on peut peut-être donner l'adresse de votre site Internet? Oui, alors c'est leslivresdornella.fr. Voilà, leslivresdornella.fr. Tout à fait. J'ai aussi un compte Facebook, Ornella page auteur. D'accord. Et j'ai aussi un compte sur Instagram, pareil, qui se nomme Ornella page auteur. Voilà, sur lequel les parents intéressés peuvent vous commander un petit exemplaire de cet ouvrage. Vous pouvez peut-être nous rappeler le titre de cet ouvrage? Le livre se nomme Mickey prépare Noël. C'est un album pour les 2-6 ans. Voilà, tout simplement. Et donc, du coup, on va rappeler rapidement les informations nécessaires. Donc, ce livre est disponible au prix de 6 euros sur Amazon. Du coup, c'est un livre jeunesse pour les enfants qui raconte l'histoire de loutres, de plusieurs loutres qui préparent Noël. Disponible sur votre site internet leslivresdornella.fr, sur votre page auteur Facebook et sur votre page Instagram. Tout à fait, exact. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter ? Non, très bien. J'ai aussi 5 autres livres que j'ai donc écrits cette année pour les 12 ans, voilà, pour les enfants curieux lecteurs. D'accord, donc de toute façon, ils pourront trouver toutes les informations nécessaires sur vos différents réseaux ? Oui, tout à fait. Parfait. Je suis très active sur les réseaux sociaux, donc ils peuvent trouver toutes les informations et m'écrire aussi. Ok, ben voilà, comme ça au moins, il n'y a plus l'excuse pour ne pas se laisser tenter par des petits livres jeunesse. Voilà. Pour préparer Noël. C'est grave. En plus, tout à fait. On approche de Noël à grands pas, donc du coup, ça serait un cadeau parfait pour les enfants. Une petite histoire de loutre qui prépare Noël, ça serait le cadeau idéal. Parfait, oui. Parfait, je pense aussi. Voilà. Donc du coup, je vous remercie d'avoir, d'avoir pris quelques minutes pour parler de tout ça. Et du coup, voilà pour ce petit enregistrement avec Ornella et du coup son livre jeunesse, son histoire de loutre qui prépare Noël. Je m'excuse pour la qualité audio de ce petit enregistrement car malheureusement, quand je l'ai enregistré, le réseau était très très très mauvais. Et donc, s'il y a un mauvais réseau, au téléphone, ça passe pas bien. Et malheureusement, notre logiciel d'enregistrement, il enregistre également les petits bugs. Enfin, voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale. Voilà, nous allons écouter un groupe que j'aime beaucoup, que j'ai déjà passé dans mon émission Fréquence Libre, me semble-t-il. Donc c'est un groupe qui s'appelle Half-Lives, pardon, avec leur titre Valkyrie. Pour donner les quelques références, comme d'habitude, c'est un son typé rock, musique alternative indé, c'est un titre sorti en 2021, et c'est un titre tiré de l'EP, donc de l'Extended Play, voilà, V ou 5, V plutôt, de Half-Lives, vu que tous les morceaux commencent par la lettre V. Voilà, EP sorti le vendredi 2 juillet 2021, donc c'est quand même tout récent. Donc on écoute Half-Lives avec leur titre Valkyrie et on se retrouve juste après, d'ici près de 4 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo après Half-Lives et leur titre Valkyrie. Et vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous venez d'écouter Half-Lives avec leur titre Valkyrie. Nous sommes toujours en direct. Il est 14h37. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie, que vous soyez chez vous, sur la route, au travail, ou que sais-je encore. Et bien sûr, si vous êtes sur la route, faites attention, voilà, prudence, la prudence est de rigueur, surtout par ce temps, pas très beau, avec la route un peu glissante, ce temps un petit peu gris, pluvieux, un petit peu beaucoup moche, on va dire, voilà. Donc pendant cette pause musicale, j'en ai profité pour faire une recherche du coup sur cette EP, donc V de Half-Lives. Donc en effet, ça peut être V ou alors 5, donc le chiffre 5 c'est la lettre V, et donc parce que dans cette EP, il y a 5 morceaux. Et donc, du coup, tous les morceaux commencent par la lettre V. Donc, du coup, je n'avais pas tout à fait tort. Voilà. Et donc, vous venez d'écouter donc Half-Lives avec leur titre Valkyrie, comme je viens de le dire. Et je vous propose de nous lancer directement dans une prochaine info locale. Et cette fois-ci, nous allons écouter, je récupère mon plan, nous allons écouter Alice Trousset du Théâtre du Peuple qui nous parle de la période d'activité de fin d'année 2021 au Théâtre du Peuple. Et vous verrez quand même qu'il y a quand même des choses très, très intéressantes à faire au Théâtre du Peuple de toute façon. Tout ce que je passe dans cette émission est très intéressant. Toutes les infos passées dans cette émission sont très intéressantes. Donc, on écoute Alice Trousset qui nous parle de la période d'activité de fin d'année 2021 au Théâtre du Peuple. Et on se retrouve du coup juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gemozo. Et aujourd'hui, je reçois par téléphone, pendant quelques minutes, Alice Trousset du Théâtre du Peuple, du coup, qui est là pour nous parler de la période d'activité au Théâtre du Peuple pour cette fin d'année. Donc, bonjour Alice. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, très bien, merci. Merci de relayer notre activité. Avec plaisir. Effectivement, on va avoir un temps fort en cette fin d'année à Busan. Alors, c'est vrai qu'au Théâtre du Peuple, l'activité est surtout connue pour sa saison estivale. Mais depuis quelques années, une activité aussi à l'année se développe. Et donc, le prochain rendez-vous aura lieu le week-end du 11 et 12 décembre prochain. D'accord. On accueillera à ce moment-là l'événement qui s'appelle Fait divers. Alors, peut-être qu'il y en a déjà qui ont entendu parler de cet événement, puisque c'est la quatrième année consécutive que nous organisons ces Faits divers. Donc, qu'est-ce que c'est réellement ? C'est cinq textes qui sont écrits par cinq auteurs, cinq autrices vivants et qui ont écrit un petit texte très court autour justement des faits divers. Et chacun de ces textes sera mis en scène par un artiste que nous invitons avec des comédiens. Et tout cela aura lieu dans un lieu atypique, à Busan, que l'on ne dévoile pas. En fait, on dévoile le lieu le jour J. Donc on donne rendez-vous aux spectateurs devant le Théâtre du Peuple. Et on va tous ensemble vers ce lieu un petit peu mystère. Et les spectateurs pourront comme ça, à travers un parcours, circuler de pièce en pièce et découvrir à chaque fois un petit spectacle créé pour l'occasion. D'accord. Donc, fait divers à noter, du coup, le titre, c'est un petit jeu de mots avec le divers, c'est D'HIVER. Exactement, voilà, c'est ça. Fait divers, puisque nous sommes là en décembre, cinq petites pièces, ça dure 1h30. Voilà, c'est de 12 à 99 ans. Il y a plusieurs séances. Le samedi, ce sera donc à 14h et à 17h. Et dimanche, il y a trois séances à 11h. À 14h et puis à 17h. D'accord. À noter, du coup, comme vous le dites, rendez-vous devant le Théâtre du Peuple. Ensuite, en plus, vous allez aller dans ce lieu tenu secret pour Exactement. Un petit peu de suspense. Et donc, du coup, que les retardataires ne seront pas acceptés. Voilà, c'est pour ça on invite vraiment tout le monde à être à l'heure. Alors, je sais qu'avec la neige, c'est pas évident. Donc, on reste souple, on attend toujours un petit peu. Mais c'est vrai qu'une fois que le départ est lancé, tout le groupe va se diriger vers le lieu et à ce moment-là, effectivement, les retardataires pourront peut-être basculer sur la représentation suivante. C'est pour ça qu'il y a plusieurs représentations dans la journée. Mais voilà, on invite, si possible, vraiment les gens à respecter l'horaire. D'accord. Et donc, du coup, au niveau du tarif de ce spectacle ? Oui, alors il y a deux tarifs, tarif plein qui est fixé à 15 € et tarif réduit, donc pour les plus jeunes à 10 €. Et puis aussi peut-être c'est l'occasion de rappeler que le port du masque et puis la présentation d'un pass sanitaire valide sera demandé, bien sûr. Bien sûr, donc de 12 à 99 ans. Et je crois savoir également que le Théâtre du Peuple organise des visites guidées tous les dimanches. Oui, exactement. Alors c'est tous les dimanches. Il suffit simplement, il n'y a pas besoin de réserver, il faut se présenter pareil devant le théâtre. C'est à 10h30, hors vacances scolaires, donc à partir des vacances donc de Noël. Les visites ont lieu en fait les mercredis à 10h30. Donc ça concernera le 22 décembre et le 29 décembre. C'est sans réservation, rendez-vous au Théâtre du Peuple. On vous fait visiter ce théâtre qui est classé monument historique. Bien sûr. Le tarif est de 3 € par personne et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et puis là aussi, du coup, pas sanitaire et port du masque obligatoire. Tout à fait. D'accord. Donc on va rappeler les quelques informations. Donc, du coup, un pièce plutôt original, donc fait divers. Donc rendez-vous devant le Théâtre du Peuple, ensuite en bus, quelque part dans un lieu tenu secret pour un petit parcours pour les visiteurs. Voilà, donc c'est 5 pièces par séance, 1h30 pour la durée du parcours, environ 15 minutes par pièce. C'est ça. 5 textes inédits, 13 comédiens, 60 personnes maximum, jauge limitée par séance bien sûr, de 12 à 99 ans, port du masque obligatoire, pas sanitaire également. Et du coup les représentations, donc le samedi 11 décembre à 14h et 17h, le dimanche 12 décembre à 11h, à 14h et à 17h. Donc pour la réservation, comment ça se passe? Alors il suffit simplement, soit vous nous appelez directement au théâtre, donc il y a un numéro de téléphone qui est le 03 29 61 62 47. C'est possible aussi simplement de passer. En fait, il y a quelqu'un toujours pour vous accueillir à la billetterie, sauf le week-end. Et puis sinon, directement sur notre site internet www.théâtredupeuple.fr. Voilà. Et du coup, la visite guidée du Théâtre du Peuple, tous les dimanches sans à 10h30. Réservation. Voilà. Voilà. Tous les dimanches à 10h30 ou les mercredis pendant les vacances scolaires de Noël, du coup. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Ok, très bien. Bah, du coup, et puis, du coup, la visite guidée, tarif 3 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans, et pareil, port du masque et passe sanitaire obligatoire. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, du coup, je vous remercie, Alice, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de tout ça, et du coup, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Et donc voilà pour le petit enregistrement avec Alice Trousset, directrice adjointe, me semble-t-il, du Théâtre du Peuple, qui nous a parlé du coup de la période d'activité de cette fin d'année 2021 au Théâtre du Peuple. Donc comme je le disais avant, ça a l'air très intéressant car vous ne savez pas où vous allez, rendez-vous devant le Théâtre du Peuple, puis après, en bus, vous vous rendez dans ce lieu tenu secret pour assister à ce petit spectacle, ma foi, plutôt intéressant. Voilà, même moi ici à Radio Guémozo, je ne sais pas quel est ce lieu tenu secret. Voilà, sinon ce n'est plus un secret. Voilà, vous vous en doutez. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de nous lancer directement dans une nouvelle fréquence musicale, car j'ai envie de vous faire encore plus connaître mon environnement, ma bulle, mes sons préférés, en fait mon univers musical, on va dire. Et donc cette fois-ci, on va écouter une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai un petit coup de cœur la première fois que je l'ai entendue. Donc il s'agit du titre Golden de Sean Ryan Fox. C'est un titre type pop sorti en 2016 et tiré de l'EP Indestructible. Voilà, l'accent anglais toujours présent, vous le savez, de Sean Ryan Fox, EP sorti le jeudi 20 octobre 2016. Si ce nom ne vous dit rien, peut-être que vous l'avez déjà vu dans une série jeunesse, une sitcom comme on dit, qui s'intitule Henry Danger, qui était diffusée à l'époque sur Nickelodeon et qui s'est terminée d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça avec Jeff Norman, Elle Anderson, Reel Downs et donc du coup Sean Ryan Fox entre autres. Et bien sûr l'autre acteur dont je ne sais plus le nom, Cooper Barnes, voilà, qui joue le rôle de Captain Man dans cette sitcom, une de mes sitcoms que je regardais quand j'étais plus jeune, voilà, et du coup que j'ai retrouvé. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne savais même pas que cet acteur, Sean Ryan Fox, était également chanteur. Et ma foi, il se débrouille plutôt bien. Donc on écoute ce morceau, donc le Golden, tiré de son EP Indestructible. Et on se retrouve juste après pour d'autres infos locales et d'autres musiques. On va peut-être dépasser un petit peu du coup. Mais voilà, je me suis arrangé sur notre programmateur, notre diffuseur, pour n'empiéter sur rien de très important. Et donc du coup, n'hésitez pas à m'appeler pendant cette pause musicale au 03 29 62 40 40 si vous voulez passer un message ou si vous voulez me proposer pourquoi pas une chanson. une musique, une pause musicale à passer pendant cette émission, pendant le temps qu'il nous reste. Donc voilà, je rappelle le numéro 03 29 62 40 40 ou alors sur notre page Facebook Radio Gamozo. Voilà, donc on écoute Sean Ryan Fox avec son titre Golden et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Like a whisper in the breeze, I got a wind of you, only took a minute, in just a minute, you brought me to my knees, you took over me, I fell so hard, but I'll never get up, I'll do whatever, whatever it takes to show you that no one could ever take your place, yeah, you ain't silver, you're pure gold. I've searched so far and wide. One girl's on my mind. That's you. It's you. Every moment we collide, we're so intertwined. Only getting stronger. Keep getting stronger. I'll do whatever, whatever it takes to show you that no one could ever take your place. Yeah, you ain't silver. You're pure gold. Et voilà pour cette jolie petite chanson d'amour de Sean Ryan Fox, donc Golden, tirée de son EP Indestructible. Et pour ne rien vous cacher, évidemment, je crois que dans cette EP de quelques titres, tous ces morceaux parlent d'amour. Voilà, Sean Ryan Fox, un grand romantique apparemment. Donc du coup, vous êtes bien sûr de retour. Il est 14h50 et 33 secondes précisément. Et je vous propose de ne pas perdre plus de temps, même si c'est pas du temps perdu. Au contraire, on passe un bon moment ensemble. J'espère que vous passez également un bon moment en ma compagnie, que voilà, vous j'illumine un petit peu, que je vous apporte un petit peu de soleil chez vous, malgré ce temps tout gris, pas très beau. Donc du coup, je vous propose de nous lancer dans une avant-dernière, je veux dire fréquence musicale, pas du tout, dans une avant-dernière info locale, et que nous écoutions Chloé Leduc de la mairie de la Bresse, qui nous parle du défilé de Saint-Nicolas et de l'inauguration du marché de Noël de la Bresse. Donc voilà, s'il y a une nouvelle fois des parents ou des grands-parents qui nous écoutent, qui m'écoutent actuellement, donc si ça peut-être que ça pourrait intéresser votre enfant d'aller à ce défilé de Saint-Nicolas et à ce marché de Noël, ou pourquoi pas également les parents, car bien sûr les marchés de Noël ne sont pas que pour les enfants, ils sont aussi pour les parents, pour les petits, comme voilà, pour les grands et les petits, comme une célèbre marque de bonbons gélifiés. Voilà. Donc on se retrouve juste après ce petit enregistrement avec Chloé Leduc de la mairie de la Bresse qui nous parle du défilé de Saint-Nicolas et de l'inauguration du marché de Noël de la Bresse. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un petit billet de sortie et je suis accompagné au téléphone de Chloé Leduc, conseillère déléguée à la mairie de la Bresse, qui est là pour nous parler du défilé de Saint-Nicolas et de l'inauguration du marché de Noël. Donc bonjour Chloé. Bonjour Chris. Comment ça va? Ben, ça va, tout bien. Parfait. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler pendant quelques minutes, quelques secondes, du défilé de Saint-Nicolas et du coup de l'inauguration du marché de Noël? Oui, donc ça va se passer à la Bresse ce samedi. Ça commencera à 17h avec le défilé de Saint-Nicolas et Père Fouettard dans les rues de la Bresse. Donc il y aura 3 chars qui représenteront le cortège avec une troupe Oléo Cadeau et des enfants de l'école de cirque de l'école Saint-Laurent qui feront une animation aussi à l'avant du char. Et tout ça se terminera sur le marché de Noël, l'ouverture. Donc l'inauguration se fera à 18h. Avec un feu d'artifice, et juste après le feu d'artifice, les enfants pourraient faire une photo avec Saint-Nicolas et Père Fouettard. Donc tout ça sur la place du Champtel à la Bresse. D'accord. Et donc du coup, entrée gratuite? Oui, bien sûr, ouais. D'accord. Est-ce que c'est une entrée du coup soumise au port du masque, etc.? Oui, le port du masque, bien sûr, on a toutes les consignes sanitaires. On attendait la réponse de la préfecture justement aujourd'hui ou demain pour le pass. Mmh. A priori, il ne devrait pas être demandé. Le masque suffirait, mais on est encore sous réserve. D'accord. Ok, donc on va rappeler du coup les petites informations utiles. Donc quel jour, quelle heure? Donc c'est ce samedi, donc le 4 décembre, à la Bresse, et ça commence à 17h. À 17h, donc avec du coup un défilé Saint-Nicolas Père Fouettard et l'inauguration du marché de Noël. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à raconter? Normalement, j'ai tout dit. Parfait. Donc voilà, du coup, bien sûr, vous attendez le plus de monde possible. Oui, bien sûr, ouais. Et comme la neige est présente là cette semaine, ça va être très joli, ouais. Mmh. Est-ce que dans ce marché de Noël, il y aura peut-être du vin chaud, café, chocolat? Oui, bien sûr, oui, il y aura tout le nécessaire pour passer un bon moment, oui, à boire et à manger. Voilà, et du coup, les enfants pourront voir Saint-Nicolas et Père Fouettard et prendre une petite photo avec ces deux personnages, avec ces deux symboles. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, si on a tout dit, je vous remercie, Chloé, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de ce petit événement. Merci à vous de penser à la Bresse. Avec plaisir. Et du coup, ne quittez pas, je vous récupère juste après, une fois l'enregistrement arrêté. Et ça, j'avais oublié de le couper, du coup, quand j'ai fait le petit montage, à chaque fois, ce petit message que je dis à mes intervenants au téléphone, je vous récupère juste après au téléphone, une fois l'enregistrement coupé, car les billets de sortie sont rarement, très rarement, en direct. Enfin, voilà, je vous dévoile les coulisses des enregistrements à Radio Gamozo. Donc du coup, je vous passe maintenant la dernière info locale de cette émission, et après, on pourra conclure avec deux dernières pauses musicales, mes deux groupes favoris. Voilà, je l'avoue, ce sont mes deux groupes, vraiment groupe coup de cœur. On écoutera juste après. C'est le dernier billet de sortie, donc cette dernière info locale. Il y avait deux étudiants et une professeure de l'Institut de formation en soins infirmiers, IFSI, et l'Institut de formation d'aide-soignants, IFAS, de Remiremont, qui souhaitaient passer un message. Donc c'est Ivana, Johan et j'ai Alizé, voilà, j'ai perdu le prénom de l'intervenante. Donc Ivana, Johan et Alizé qui ont un petit message à vous faire passer. Voilà, donc on écoute cette dernière info locale, après je vous passe deux dernières pauses musicales et puis on se quittera déjà. Donc voilà, c'est déjà bientôt à une heure d'émission, ça passe très très vite. Donc voilà, je vous passe ce billet de sortie et on se retrouve juste après. Et aujourd'hui, pour ce petit billet de sortie de quelques minutes, je suis en compagnie d'Ivana, Johan et Alizé de l'IFSI et IFAS de Remiremont qui ont un message à vous faire passer. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Merci. Super. Très bien. Parfait. Donc il me semble que vous avez un message à nous faire passer. Oui, en effet. Alors samedi 11 décembre, de 10h à 16h, il y aura une journée aux portes ouvertes organisée par l'Institut de formation en soins infirmiers et aide-soignante de Remiremont. Donc on vous attend. Je laisse la parole à Johan, un étudiant de l'IFAS. Voilà, alors comme Ivana vous l'a dit, chaque année, l'Institut de formation en soins infirmiers et de soignants de Remiremont, il organise une journée de portes ouvertes pour permettre aux personnes qui le souhaitent de découvrir le métier d'infirmière et d'aide-soignante. Il y aura différents ateliers organisés pour présenter les activités de soins de façon ludique et interactive. Et lors de cette journée portes ouvertes, il y aura des stands où les élèves et les formateurs pourront y répondre à toutes vos questions sur les modalités d'entrée. En formation, nous allons parler des différents domaines professionnels de l'infirmier et l'infirmière et de l'aide-soignant. Ces deux professions peuvent travailler dans des milieux hospitaliers, carcéral, EHPAD, petite enfance, etc. Ces deux professions ont fait l'objet de valorisation sur l'aspect financier et responsabilité. Les aides-soignants ont plus de responsabilités en pratique de soins, par exemple. La reconnaissance de diplôme pour les infirmiers et infirmières correspond à une licence et pour les aides-soignants, ça correspond à un bac, donc plus de possibilités d'évolution. Aujourd'hui, le monde de la santé recrute énormément. Je vous donne l'occasion de découvrir l'IFSI Eliphas de Remiremont, qui est une école à taille humaine. Les étudiants peuvent bénéficier d'un meilleur suivi et d'accompagnement plus personnalisé. L'IFSI est au centre-ville de Remiremont, qui est une jolie ville à visiter. Eh bien, merci, Alizée. Donc, je vous rappelle à tous, hein, donc samedi 11 décembre, de 10h à 16h, on vous attend, donc à l'IFSI Eliphas de Remiremont. Et n'oubliez pas surtout d'apporter votre passe sanitaire, parce qu'il est obligatoire. Merci beaucoup pour votre écoute. Et voilà pour ce petit enregistrement donc de la part d'Alizée, Johan et Ivana donc de l'IFSI, donc Institut de formation en soins infirmiers, et de l'IFAS, Institut de formation d'aide-soignants de Remiremont. Voilà un peu les, vous pourrez réentendre du coup ces informations, toutes ces infos locales dans la rediffusion demain donc jeudi 2 décembre à 18h. Mais avant de nous quitter, il est 14h58, comme je vous ai prévenu, on va dépasser un tout petit peu de quelques minutes. Donc avant de nous quitter, je vous propose de nous lancer dans deux morceaux de mes deux groupes favoris, donc Skillet avec leur titre Victorious, et suivi de Linkin Park avec leur titre Bleeded Out. Donc voilà, pour un petit peu les styles musicaux, donc c'est du rock alternatif, du metal alternatif. Voilà, ce sont vraiment deux groupes que j'apprécie tout particulièrement. Ce sont deux groupes vraiment coup de cœur depuis aussi longtemps que je me souvienne, depuis que je sais écouter, on va dire, de la musique. Donc on écoute Skillet avec Victorious. On enchaîne avec Linkin Park et Bleeded Out, et on se retrouve juste après pour déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo, après ces deux pauses musicales d'ici à peu près 6 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. 100 times. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Knot it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw. Words in a sloppy bow. Shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. This hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Afterwards don't mean a thing. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dirt dance flow again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Et voilà pour ces deux dernières pauses musicales. Donc la première c'était Skillet avec leur titre Victorious et la deuxième c'était Linkin Park avec leur titre Bleed It Out. Voilà, toujours des, j'ai toujours personnellement des frissons quand j'entends Linkin Park, quand j'entends surtout la voix de Chester Bennington dont je salue la mémoire, qui est décédée il y a quelques années maintenant, vous le savez certainement. Enfin voilà, c'est ainsi que se termine cette édition un peu particulière de Fréquence Libre. J'espère qu'elle vous aura plu. Je l'avoue, je n'ai pas forcément l'habitude de faire ce genre d'édition seule, mais il est intéressant parfois de sortir de sa zone de confort. En attendant, concernant la suite, retrouvez la rediffusion de l'édition de Fréquence Libre d'hier, tout à l'heure à 18h, dans laquelle je recevais dans nos locaux Ludovic Lemasson de l'Union Vosgienne des Batteries Fanfares ou UVBF. Voilà, ce type d'émission spéciale info locale dans laquelle je vous partage mes sons favoris, on va dire, c'est, j'essaierai d'en faire une de temps en temps. Voilà, j'aime bien être au plus proche de vous, être au contact de vous, vous parler en étant seul dans le studio et même seul à la radio. Donc voilà, j'en referai de temps en temps. Je ne peux pas vous dire de fréquence exactement, mais j'en referai. Voilà, vous pouvez être sûr que j'en referai de temps en temps. En attendant, on se retrouve, nous, bien sûr, dès demain, à 14h, bien sûr, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, toujours en direct, dans laquelle je recevrai par téléphone Stéphane Sensi, ou Sensi, je ne sais pas comment le prononcer, je lui demanderai demain. Il est illustrateur et il sera là pour nous parler de tout ce qu'il fait. En attendant, je vous laisse en musique avec Etta James et son titre At Last, ou alors avec Carole King avec son titre You Make Me Feel Like a Natural Woman. Voilà, tout dépend combien de temps je laisse le générique. Et retrouver voilà. En fait, j'allais vous redire, retrouver la rediffusion de l'édition Fréquence Libre d'hier. Ce sera à 18h, mais je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas le répéter. Voilà, donc je vous laisse avec mon générique. Si jamais certaines ou certains d'entre vous se demandent quel est le titre de mon générique de Fréquence Libre, donc c'est la version instrumentale de Only Teardrops de Emily de Forest, qui avait la chanson qui avait représenté, me semble-t-il, le Danemark à l'Eurovision en 2014. Je ne sais plus exactement la date, mais voilà, c'est Emily de Forest avec Only Teardrops, c'est la version instrumentale. Un jour, je vous ferai écouter la vraie version, on va dire, avec les paroles, etc. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et du coup, je vous dis à demain. Donc salut et à demain.